La vérité est plus étrange que la fiction. Vieux dicton. J'eus dernièrement l'occasion, dans le cours de mes recherches orientales, de consulter le « Tell me now, is it so or not ?», ouvrage à peu près aussi inconnu, même en Europe, que le « Zohar » de Siméon Jochaïd, et qui, à ma connaissance, n'a jamais été cité par aucun auteur américain, excepté peut-être l'auteur des Curiosités de la littérature américaine. En parcourant quelques pages de ce très remarquable ouvrage, je ne fus pas peu étonnée d'y découvrir que, jusqu'ici, le monde littéraire avait été dans la plus étrange erreur touchant la destinée de la fille du vizir Scheherazade, telle qu'elle est exposée dans les Nuits arabes, et que le dénouement, s'il ne manque pas totalement d'exactitude dans ce qu'il raconte, a au moins le grand tort de ne pas aller beaucoup plus loin. Le lecteur, curieux d'être pleinement informé sur cet intéressant sujet, devrait recourir à « Is it so or not ?» lui-même, mais on me pardonnera de donner un sommaire de ce que j'y ai découvert. On se rappellera que, d'après la version ordinaire des Nuits arabes, un certain monarque, ayant d'excellentes raisons d'être jaloux de la reine, son épouse, non seulement la met à mort, mais jure, par sa barbe et par le prophète, d'épouser chaque nuit la plus belle vierge de son royaume et de la livrer le lendemain matin à l'exécuteur. Après avoir, pendant plusieurs années, accompli ce vœu à la lettre, avec une religieuse ponctualité et une régularité méthodique, qui lui valurent une grande réputation d'homme pieux et d'excellent sens, une après-midi, il fut interrompu, sans doute dans ses prières, par la visite de son grand vizir, dont la fille, paraît-il, avait eu une idée. Elle s'appelait Scheherazade, et lui était venue en idée de délivrer le pays de cette taxe sur la beauté qui le dépeuplait, ou, à l'instar de toutes les héroïnes, de périr elle-même à la tâche. En conséquence, et quoique ce ne fût pas une année bissextile, ce qui rend le sacrifice plus méritoire, elle députa son père, grand vizir, au roi, pour lui faire l'offre de sa main. Le roi l'accepta avec empressement. Il se proposait bien d'y venir tôt ou tard, et il ne remettait de jour en jour que par crainte du vizir. Mais, tout en l'acceptant, il eut soin de faire bien comprendre aux intéressés que, pour grand vizir ou non, il n'avait pas la moindre intention de renoncer un iota de son vœu ou de ses privilèges. Lors donc que la belle Scheherazade insista pour épouser le roi, il épousa réellement, en dépit des excellents avis de son père, quand, dis-je, elle l'épousa bon gré mal gré, ce fut avec ses beaux yeux noirs aussi ouverts que le permettait la nature des circonstances. Mais, paraît-il, cette astucieuse demoiselle, sans aucun doute elle avait lu Machiavel, avait conçu un petit plan fort ingénieux. La nuit du mariage, je ne sais plus sous quel prétexte, elle obtint que sa sœur occuperait une couche assez rapprochée de celle du couple royal pour permettre de converser facilement de lit à lit, et quelque temps avant le chant du coq, elle eut soin de réveiller le bon monarque, son mari, qui du reste n'était pas mal disposé à son endroit, quoiqu'il songeait à lui tordre le cou au matin. Elle parvint, dis-je, à le réveiller, bien que, grâce à une parfaite conscience et à une digestion facile, il fût profondément endormi. Par le vif intérêt d'une histoire, sur un rat et un chat noir, je crois, qu'elle racontait, à voix basse, bien entendu à sa sœur. Quand le jour parut, il arriva que cette histoire n'était pas tout à fait terminée, et que Scheherazade, naturellement, ne pouvait pas l'achever, puisque le moment était venu de se lever pour être étranglée. Ce qui n'est guère plus plaisant que d'être pendu, quoique un tantinet plus galant. Cependant, la curiosité du roi, plus forte, je regrette de le dire, que ses excellents principes religieux même, lui fit pour cette fois remettre l'exécution de son serment jusqu'au lendemain matin, dans l'espérance d'entendre la nuit suivante comment finirait l'histoire du chat noir. Oui, je crois que c'était un chat noir, et du rat. La nuit venue, Madame Scheherazade non seulement termina l'histoire du chat noir et du rat, le rat était bleu, mais sans savoir au juste où elle en était, se trouva profondément engagée dans un récit fort compliqué où il était question, si je ne me trompe, d'un cheval rose, avec des ailes vertes, qui, donnant tête baissée dans un mouvement d'horlogerie, fut blessé par une clé indigo. Cette histoire intéressa le roi plus vivement encore que la précédente, et le jour ayant paru avant qu'elle fût terminée, malgré tous les efforts de la reine pour la finir à temps, il fallut encore remettre la cérémonie à 24 heures.